Des vestes en cuir, une bande de geeks. Cette semaine, on a maté Matrix et on en parle tout de suite. Alors, ma flatte, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Un tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu, cette semaine consacrée à Matrix de Larry et Andy Wachowski. Ils étaient deux? Ouais, ils étaient deux pour faire ça. Deux pour ça, ouais. À mes côtés, avec moi, pour en parler ce soir, Greg. Bonsoir, Greg. Bonsoir. Ça va, Greg? Ça va. Mickaël. Bonsoir. Ça va au moins aussi bien, Greg. Ouais, ça a l'air d'aller, mais Greg, c'est tout le temps. Et enfin, Julie. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Comment ça va, Julie? Ça va très bien. Je suis heureuse de vous revoir. Bah oui, ça fait depuis 97 ans. Hein. Tu as fait nous voir. T'as grandi. Hein. Bah, tu avais 7 ans et demi. Cette semaine, on parle de Matrix, de Larry et Andy Wachowski, ouais, sorti en 1999, de 130 minutes, avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving et Joe Pantoliano. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Alors, tu es là pour sauver le monde? T'as besoin de quoi? Des armes. Un maximum d'armes. Personne n'a jamais pris ce genre de risque. C'est pour ça qu'on va réussir. Mets ta ceinture, Alice. Et bon voyage au pays des merveilles. Ça va faire des heures, cette musique. Il y a une punchline et après il y a 4 minutes de musique, quoi. Tu nous mets la BO complète là en fait. En plus, c'est des musiques d'église remasterisées, c'est bizarre. Ouais. Voilà, ça vous a plu, Matrix? Ouais. Moi j'ai trouvé ça nul. C'est vrai? Ouais, bon, enfin, pas terrible en tout cas. C'est vrai? Déjà, j'ai eu un problème parce que j'ai emprunté le DVD à la bibliothèque. Et je me suis retrouvé avec le DVD de Total Recall 2 par le scénariste de Terminator. Bon, c'est un peu bizarre. Et du coup, Schwarzenegger est remplacé par Keanu Reeves. Keanu Reeves, d'ailleurs, qui n'a aucun lien de parenté avec Hubert Reeves. Je ne sais pas si tu as vérifié, Julie, mais... J'en suis sûr. C'était une blague. Bah, avec Greg, on ne savait pas qui c'est, alors... Hubert Reeves, vous ne connaissez pas, c'est l'astro... Non, Keanu Reeves. Okay. Moi, ça m'a beaucoup plu. Enfin, ça m'avait déjà beaucoup plu. Moi, je l'avais vu au cinéma, je me souviens, je l'avais vu. Ouais. J'étais rentré en métro et j'avais envie de marcher sur les murs et tout. J'étais comme un fou. Ah, ça marchait. Ouais. C'est la fois où tu t'étais cassé les chevilles. Bah, c'est quand j'ai fait mon bad trip, ouais. Non, j'avais adoré à l'époque. Franchement, j'ai dû le voir 4 ou 5 fois. Ah ouais? Et ça faisait longtemps que je l'avais pas revu et c'était pas du tout la fois trop, quoi. Franchement, j'ai adoré. Il y a trop de trucs que j'aime dans ce film, quoi. En fait, moi, je l'avais pas vu, hein. Oui, ouais, je dois quand même confesser que je n'avais jamais vu Matrix. Ouais. Mais déjà, ce principe d'image animée et de son qui raconte une histoire, je ne connaissais pas. Les images s'animent. Oh, c'est incroyable. Ça s'appelle le cinéma. Le cinématographe. Et toi, Greg? Moi, je l'avais vu, mais je l'avais pas revu. Je l'avais vu qu'une fois, donc je ne m'en rappelais pas du tout. Mais c'était plutôt, j'ai passé un bon moment, ça va quoi. Il y a qui résume l'histoire? Non, mais moi, je la trouve cool. Moi, je veux bien résumer l'histoire. Pas de soucis. C'est l'histoire d'une intelligence artificielle qui prend le contrôle sur l'humanité, mais au lieu de déclarer la guerre, ils en font des piles Duracell. C'est déjà, c'est l'histoire de série B, quoi. Ouais, et puis ils ont pas se faire chier à revenir dans le temps pour tuer John Connor, quoi. Ce qui simplifierait les choses, hein, franchement. Est-ce qu'on peut leur raconter mieux l'histoire que Non, mais c'est ça. Il y a Keanu Reeves. Il va passer de l'autre côté, en fait. On le repère parce que je sais pas, c'est un bon informaticien. On n'a pas trop de preuves parce qu'il fait rien sur son ordi. On voit jamais rien faire. On sait qu'il y a des mini disques chez lui. Quand même. Des mini disques. Donc déjà, moi, je suis un peu sceptique. Le mec a vraiment investi dans le mini disque. surtout, il allume pas son ordinateur au travail. Quoi. Vous avez remarqué ça? Et donc il est repéré et on se dit, ce gars-là c'est l'élu, il faut qu'on le ramène de l'autre côté. Et en fait, on va lui faire vivre l'enfer parce qu'il vivait une vie qui était merdeuse mais qui était moins cool que ce qu'il va vivre dans l'enfer. Ouais, et donc, quoi l'autre côté alors? L'autre côté, c'est un monde désertique, hein, où tout est ravagé par Skynet, on peut l'appeler Skynet, hein, ouais, Matrix. Skynet. Et donc lui il sort, et puis hop, il wake up et là il est dans Brésil, quoi, tu vois. Il y a des tuyaux partout, il y a des machins et c'est l'enfer, ils bouffent rien, ils ont rien à bouffer. Et les seuls moments de plaisir qu'ils peuvent avoir à la limite, c'est d'aller dans la Matrix pour je sais pas, okay, aller au McDo ou un donc, truc comme ça, quoi. Et encore, ils le font mal, quoi. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu Matrix, ce respect ne marche absolument pas. T'as pas dit ce que c'était que la Matrix, à savoir le monde réel, quoi. Et qu'en fait, ah, oui, on est tous en train de dormir, on rêve tous qu'on passe tous un bon moment. On est tous des piles Duracell, voilà. On est tous branchés pour alimenter les machines. Voilà. En fait, les machines nous font vivre une fausse vie, quoi. C'est ça. Voilà. Mmh. Qui est grosso modo notre vie. Qui est carrément. Parce que le film se passe en 2199, c'est précisé. Ouais. Exactement 200 ans après la sortie du film Matrix. Je pense que les machines vraiment ont taffé le truc. Bah, vous avez vu le film, justement. D'ailleurs, c'est vrai qu'ils ont. Alors, moi, je trouve que c'est cohérent tout du long, hein. C'est pas pour faire une critique, hein. Mais c'est cohérent. Par contre, au niveau informatique, c'est pas super quand même, tu vois. Ils ont pas trop fait d'efforts sur les machines. Il y a des tubes cathodiques qui font 50 cm. Mais on est en 99, hein. Ben oui, 199. Enfin, 199. Ça fait seulement 199 ans que l'équipe de France a remporté la Coupe du Monde. Donc le film commence par justement une scène. Alors, tout le début, franchement, le premier tiers du film est. Si t'as jamais vu le film, c'est complètement énigmatique. Je pense que tu as dû à peu près rien comprendre, Mickaël. C'est parfait. Ouais, mais en même temps, c'est peut-être la seule partie du film que j'ai trouvé intéressante, en fait. À partir du moment où il y a la révélation de la matrice et tout, j'ai commencé vraiment à me faire chier. Dès que tu comprends, tu te fais chier, toi, c'est ça? Exactement. Comme je comprends pas souvent, du coup, je m'amuse. Moi, j'aime bien ne pas comprendre les films. Souvent, je coupe le son. Mais... le pire, c'est que la dernière fois, t'as bien aimé Willow et là, t'aimes pas Matrice. Ah non, j'ai pas aimé. J'ai aimé Highlander. Franchement, j'ai passé un meilleur moment sur Highlander que sur Willow. Dixit Greg qui a aimé Wild Wild West. Dans la planète des La planète des singes que j'ai Alors déjà, moi, il y a un premier truc qui marche pas, c'est que pendant tout le film, on se rend compte que les agents Smith, ils peuvent prendre l'apparence de n'importe quel humain dès qu'ils sont un peu dans les parages. Attends, mais explique, c'est qui les agents Smith? C'est les Men in Black, là? Ouais, c'est ça. Ils ont presque tous à peu près la même tête. Et c'est des programmes informatiques, exactement. Eux. Et ils peuvent prendre l'apparence de n'importe quel humain. Ils ont la même tête, ils ont la tête de Garou, en fait. Mais ils peuvent pas prendre l'apparence de n'importe quel humain. Ils s'incarnent dans les corps. Ouais, c'est ça, ils s'incarnent dans les corps. Ouais. Et alors, du coup, ma question, c'est, il y a des flics qui ont en joue Trinity tout au début du film, et eux, ils arrivent en bagnole avec une caisse du FBI, et tu vois, pourquoi ils se téléportent pas direct là-haut pour foutre le bordel comme ils vont faire pendant tout le film? Mais ça, c'est le même problème que dans Terminator, c'est-à-dire que plutôt que d'envoyer un seul Terminator, t'envoies 15 000 agents Smith, et puis voilà, c'est bon, fin des bails, quoi. Fin des balles. on comprend aussi que Trinity et même toute la bande de hackers là, épargner la vie des gens, c'est pas vraiment un souci. Donc eux, ils flinguent la race d'innocents, tu vois, entre tous les flics, tous les. Ouais. C'est le mec, il a fait tout son parcours dans la police et tout. Il est enfin élu sergent-chef et il y va, il se fait désinguer par Trinity, première scène du film. Quoi. Mais oui, puisque ça commence par une arrestation de cette meuf qui est complètement énigmatique. Enfin, on va savoir qui c'est après. Et alors, elle habite un appart vraiment sympathique. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il y a juste un bureau avec C'est l'appart de drive, quoi. Ah ouais, là, tu sens que psychologiquement, elle est déjà assez déglinguée pour habiter. Enfin, c'est toujours mieux que chez elle en vrai, quoi. Elle est contente, ici, il y a de la place. À côté, c'est Disneyland, quoi. Il y a même eu de LED pour la lumière. Oh, j'ai mon petit plaid, moi, dans le coin, je suis bien ici. Mon petit plaid. Donc ensuite, il y a un bail qui est complètement mystérieux, qui est, elle saute le toit d'un immeuble, elle va quand même beaucoup plus vite, elle peut arrêter le temps en tournoyant autour des gens, enfin, c'est très bizarre. Tu penses qu'il y a des auditeurs qui n'ont pas vu Matrix, comme moi, par exemple? Non, je pense que t'es vraiment le seul. T'étais le dernier, dernier. Ouais. Le compteur raison. Vient de tomber à zéro, là. Bah, t'as raison, du coup, sois énigmatique, ne raconte pas. Et là, il y a ce truc-là, la cabine téléphonique. Donc elle court vers une cabine téléphonique, il y a un camion qui arrive dessus, là, il va la latter, et elle a décroché à temps, elle a disparu, et là, on se dit... Oh, elle est dans les tuyaux du téléphone. Bon, ça c'est pas super bien expliqué pourquoi le téléphone on passe d'un monde à l'autre. Bon, on va faire un point téléphone, mais j'aimerais qu'on le fasse un peu plus tard parce que. Pardon. Donc ensuite c'est Keanu Reeves en pirate informatique, mini disque, lapin blanc, boîte SM. Bah, quand même, le seul truc qui le réveille, il se réveille quand sur l'ordinateur on lui dit réveille-toi que ça fait aucun son. Il est tellement Massive Attack avec un casque à fond. C'est tellement un bon hacker que quand son ordi fait quelque chose, ça le réveille, quoi. Bah déjà oui, on peut quand même noter le fait que son ordinateur lui parle. Mais pas avec du son, c'est écrit sur l'écran. Non, prédit ce qui va se passer. J'explique au potentiel auditeur qui l'aurait pas vu. Toc toc Neo et oui, et l'ordinateur prédit voilà. Et l'ordinateur écrit suit le lapin blanc. Ouais. Et là, en fait, en référence femme... sans doute à Pierre et Lulu ou un ou Petit Chaperon Rouge. Je sais pas, une, sans doute une fable quelconque. Et là, t'as une gonzesse qui arrive à attends, la porte attends. Et là, un petit lapin c'est blanc. C'est pas une n'importe quelle gonzesse, c'est la gonzesse de Hartley Curran. C'est comment elle s'appelle merde, je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais c'est la grecque dans Hartley Curran. D'ailleurs, la nana de l'oracle, c'est aussi une meuf d'Hartley Curran. C'est vrai. Ouais. Ah mais oui, il est australien ce film. Bah oui, il est... c'est ce que j'avais dit. Ah ça a été tourné à ça a été tourné en Australie. Ah bah voilà. Studio bah Fox à Sydney. Bah voilà. C'était une petite anecdote. Très bien. D'ailleurs, ça leur a permis d'économiser plus de, enfin vraiment des dizaines de millions de dollars sur le budget du film. Bah parce qu'en fait, ça coûtait beaucoup moins cher de tourner en Australie. En Australie, c'est $15 la journée. Le studio. Pourquoi ils n'ont pas tourné à Sochaux alors? Parce que tous les techniciens sont des Kangourous en fait. Donc on les paye beaucoup moins cher. Mais il y a les super studios de Châteauroux. Il a raison. Et donc du coup là ils vont dans l'espèce de boîte de dingo avec une grosse musique de Non mais attends, il y a quand même un détail qui est important quoi. Attends. Et alors il y a une bande de gothiques qui frappe à la porte de chez Keanu Reeves. Et le mec, apparemment, c'est un gros dealer de disquettes. Hein, parce que... Vas-y, donne des mini-disques. Il vend des mini-disques, une fortune en plus. Ouais. Parce que j'ai regardé le cours des disques, c'est bien plus bas. Ça coûte combien un mini-disque, Greg, à cette époque-là? Là, c'est 8 roubles. Hein. Et du coup, le mec, il leur deal des mini-disques. Ça vous a pas interpellé? Si, moi ça m'a interpellé. Ce qui m'a interpellé aussi, c'est qu'il est en train de faire long feu quoi. Il est en train de dealer un mini disque à un toxico du disque. Ah oui, c'est ça. Un toxi disque, hein, ça s'appelle comme ça. Et lui dit bah, ça va Néo? Enfin, il l'appelle pas Néo. Ça va Kenyu? Il appelle pas Kenyu non plus. Ouais, ça va. Il dit ouais, je sais pas, je suis pas dans mon assiette, j'ai l'impression. T'as jamais. Et là, il rentre dans une discussion philosophique avec le toxico. Genre, t'as jamais eu l'impression d'être des fois dans un rêve ou pas dans un rêve? Attends, et là, la question que tu as lui poser, c'est tu t'attendais à quoi comme réponse si tu parles de ça? Toxico, ouais, tu sais. Un toxico du mini-disque en plus. Et surtout, il lui donne le mini-disque et il lui dit « Si jamais on te prend avec ça, tu n'as jamais entendu parler de moi, tu ne sais pas qui je suis. Ouais, » Le mec, il fait « Ouais, ok, c'est noté. Tu veux venir en boîte avec nous ?»« Ouais, ok, j'arrive sur mon bouton. » Donc en fait, ça sert à rien, tu vois. Et donc là, ils vont dans la boîte de déglingo, musique de déglingo. Ouais. Tout le monde est complètement sous taze, sauf lui qui boit une petite bière à l'américaine. Un panache. Et là, il y a Trinity qui arrive. Ouais. Moi, quand j'étais gamin, j'étais amoureux de cette gonzesse. Ah bon? Ah oui, vraiment. Ah bah d'accord. Très bien. Ça vous donne des bails sur ma sexualité. Hein. Et juste... t'étais amoureux de Madame Doubtfire aussi. Sa mère cherchait d'autres. J'ai pas trouvé. Et là, il y avait des posters de Muriel Robin dans sa chambre, quand il avait 7 ans et demi. Hein. Et elle lui murmure dans l'oreille des trucs mais complètement étranges, réveille-toi, des trucs hyper énigmatiques. Tu sais, ils peuvent pas lui expliquer ce qui va se passer, c'est un peu coton parce qu'il y a des agents Smith qui te machin, ils sont toujours hyper mystérieux et lui il fait tout le temps confiance en fait. C'est-à-dire qu'il va faire confiance. Bah, il est intrigué quoi, c'est la curiosité qui le pousse à aller suivre. Ouais. Il y a pas mal de références à plein de fables hein, quand même dans ce film. Voire même à la Bible. Une grosse fable, pas très connue quoi. La Bible quoi. Donc ensuite il y a la scène, faut qu'on avance un petit peu parce que là on a déjà fait un tiers du podcast sur le cinquième du film. J'ai plus rien noté après. Ensuite il s'échappe de son bureau. Ah oui alors. Ah bah alors déjà c'est marrant, il arrive en retard au bureau déjà. Ouais. Alors son patron lui fait une petite remontrance. Question, les agents Smith ils arrivent pour aller chercher au bureau. Pourquoi Morpheus au lieu de l'appeler au bureau en lui envoyant par FedEx un téléphone portable où il lui dira ok les agents Smith qu'ils ont dû le chercher, bah pourquoi il est pas venu le chercher directement? Pourquoi il a pas dit la veille mec, il va pas au boulot, ça va virer chocolat demain quoi. Tu vois, à partir du moment où tu peux envoyer des téléphones par FedEx, tu le fais la veille quoi. Attends mais on lui dit pas pour les agents Smith? Non, envoie-lui le téléphone par FedEx, il me reste des coupons avant la fin du mois. Mais je l'envoie quand? Bah t'envoies juste quand il arrive. Surtout t'envoies pas en début de journée. Parce que sinon ça va pas marcher quoi. Et là, vous savez que cette scène où il sort à l'extérieur de l'immeuble, enfin par la fenêtre là quand il a le téléphone, en fait il a pas du tout utilisé de doublure, il était au 34e étage. C'est vrai? Et c'était lui qui le faisait vraiment. D'accord. Mais oui. Petite anecdote encore. Mais il était attaché. Bah, j'imagine qu'on devait. Oh, il y avait Jean-Claude qui le tenait par la ceinture derrière quoi. Et donc ensuite. Attends, ce qui est marrant, moi j'ai relevé un petit détail qui est drôle, j'en ai déjà parlé un petit peu au début du podcast, mais en fait quand il arrive dans son bureau, dès qu'il se fait déjà gronder par son patron, et il arrive dans son petit espace perso. Ah, son box. En fait, dans son box, et en fait il est devant son ordinateur éteint, mais il est immobile. Oui, mais je pense que c'est la résistance. Voilà, son patron il doit se demander pourquoi il est pas très productif, mais il a pas trouvé le bouton on de l'ordinateur en fait. Il y a pas de mini-disque sur celui-là, il s'est pas utilisé quoi. C'est pas de l'animé. Donc au téléphone, Morpheus il est super vague, il lui dit mais alors ouais, attention, ils viennent te chercher par machin. Lui, il flippe parce que c'est trop. Mais il est très zen, par contre, Morpheus. Parce que concrètement, les agents Smith ont peut-être tué l'élu. Mais alors, il en a rien à foutre, quoi. Il fait, bon, ça va bien le se problème passer, de Morpheus, c'est qu'il est obligé d'être zen, parce que s'il est un peu stressé, il perd ses lunettes. Ça, c'est un gag visuel pour ceux qui n'ont pas vu Matrix, il n'a pas de branche à ses lunettes. C'est ça. Et tous les matins, c'est des. C'est des lordions, on appelle ça des lordions. C'est pour la castagne, ça doit être. Non, mais elles auraient été glutées, hein. C'est-à-dire. Et donc là, c'est l'interrogatoire, la bestiole, dans le bide et tout. Ah oui, alors ça, c'est hyper inquiétant, quoi. Genre, donc, il continue à faire confiance à ces gens qui lui mettent une espèce de sonde anale dans le nombril, quoi. Enfin, ouais. C'est vraiment horrible, quoi. C'est une sonde nombrale, hein, dans ce cas. Une sonde nombrale. Et surtout, il y a ce truc-là où il perd sa bouche et tout. Enfin, c'est quand même assez terrifiant. C'est horrible. Mais en fait, c'est ça, il se réveille après, donc on sait pas si c'est un rêve ou pas. Ouais, en fait, vu qu'il a le truc à l'intérieur, après, tu te dis que c'est un rêve, mais c'était pas un rêve. Mais en fait, si c'est un rêve, c'est-à-dire que lui, il rêve déjà de les agents Smith avant de les avoir vus. Et il rêve avec Trinity au premier plan sur une moto qui fait oh merde. Non mais c'était pas un rêve puisqu'il a bien le truc dans le vide. C'était pas un rêve en fait. Oui c'est pas un rêve. Mais là par contre voilà. Là je remarque que vous n'expliquez absolument rien. Hein. Vraiment. Hein. De quoi? Ah bah je suis déçu. Hein. Vous n'expliquez pas. Non, mais t'as pas compris le film, t'espérais le comprendre avec nous. On va pas faire tout le boulot. Ils se font choper, quoi. Enfin, il se fait choper parce qu'en fait, il se fait diriger par Morpheus, mais il finit par voilà. Donc par se faire arrêter. Alors explique. Bah il finit par se faire arrêter par Men in Black, par les deux agents là. Oui, agent Smith, ça va, tu vas pas jouer sur les mots. Et en fait, il est dans une pièce d'interrogatoire, donc il se fait interroger, et en fait, il lui enfonce effectivement une sonde dans le nombril. Ouais. Et il se réveille, là, effectivement, il se réveille, donc on pense que c'est un rêve, et en fait, il se fait enlever ensuite par Trinity. Je suis pas sûr que ce soit plus clair, en fait. Mais en fait, c'est ce qu'on vient de dire. Alors, je vais la réexpliquer. Donc, il est dans l'interrogatoire, il se prend la répète la même chose en plus. Mais alors, c'est pas si c'est un rêve. Bon, bref. Mais alors là, il y a un truc qui me fait vraiment marrer, c'est-à-dire que, donc, il se réveille chez lui. Genre en mode, j'ai fait un mauvais rêve. Ouais. Il regarde son nombril, rien, donc ça doit être un rêve. Nous, on sait que c'est pas un rêve. Bah non, on sait pas. Et là, coup de fil. Avec cette histoire de rêve. Là. On a dit que c'était un rêve. Coup de fil au téléphone, Morpheus. Morpheus, il fait, oui, salut. Coucou, c'est Morpheus. Alors, l'idée, on est sur écoute là, donc je vais parler tout doux. Et il parle tout bas, genre, on est sur écoute. Comme alors, ça, on m'entend il faut pas. Qu'on se retrouve sous le pont de machin. Il dit pas d'heure. Et surtout, bah, vous êtes sur écoute, bah, les agents Smith, ils vont y aller aussi sous le pont de machin. Et puis peut-être que les agents Smith, ils sont dans l'appartement de Neo à le surveiller, tu sais. Eux, ils sont partis. Mais non, parce qu'il a déjà, il a la sonde, donc forcément, ils savent qu'ils vont pouvoir le tracer. Ouais. C'est pour ça, bah bon, le premier truc qu'ils font, ils ont l'air d'avoir une super machine pour enlever les sondes. Ouais, elle est bien, hein, cette machine. Hein. Elle est pratique. Il la vendait au M6 Boutique, là. Donc c'est un échographe, ça enlève, ça aspire le truc, donc ça tège la sonde. Bon, encore une fois, il fait super confiance. Hein. Vas-y, je te mets un aspirateur à crevettes dans le vide. Ouais, c'est cool, vas-y. J'ai rendez-vous sous un pont ultra glauque, mais c'est cool, j'y vais, quoi, pas de problème. Voilà, ce stade-là, avec un mec que je connais pas et qui m'a dit de sauter et par là. Et surtout, une Gwyn à l'avant avec les cheveux blonds qui lui plante un flingue à la gueule. Bon, et bref. Puis, à cette échelle-là, c'est pas une crevette, c'est un homard. Hein. C'est le mec de Drive qui serait content. Et donc en fait ça va un petit peu vite parce qu'il va rencontrer Morpheus et il y a la fameuse scène de la pilule quoi. Alors moi déjà j'ai une question, c'est quand il rencontre Morpheus, ok je veux bien admettre que eux ils arrivent dans le monde, ils peuvent un peu choisir leurs fringues et leurs armes, sachant que ça c'est encore un peu moyen comme bail, mais les meubles et tout, ils se sont fait une session Ikea, ils ont un programme qui amène les meubles. Mais là ils sont n'importe où, enfin ils sont dans la matrice quoi. Bah, attends, ils squattent un immeuble quand même. Ils squattent un immeuble. Ah ouais, ils squattent un immeuble. Ils squattent un immeuble. Peut-être qu'ils payent un loyer, j'en sais rien en fait. Ouais, c'est pas un problème pour eux. D'ailleurs c'est la chambre numéro 101 en hommage à 1984 de George Orwell, et ça, vous ne le saviez pas. Eh non. Eh non. George quoi? Pilule bleue, pilule rouge. Moi je prends la bleue. Moi j'ai un black avec un long manteau de cuir que je connais pas qui me propose des pilules, j'en prends pas. Qui a des lunettes sans branche en plus. Moi, et qui dit, tu veux descendre le trou du lapin avec moi? Prends la pilule rouge, mon pote, je prends pas ces pilules, quoi. Donc lui il est aventureux. Alors dans la version originale c'était des suppos. Hein. Je pense celui à la glycérine. C'est là. Une piqûre sur les fesses. Il y a une infirmière qui est là pour le faire. Et donc voilà, il prend la pilule rouge et alors là, ça y est, c'est le wake up Neo. Eh oui. Ouais, c'est pas cool, hein. C'est pas cool. Ça nous amène dans le vrai monde. Là où il se réveille, hein. Il se réveille dans une espèce d'immeuble rempli de. Moi, j'ai pas compris parce capsules. Que. Dans la matrice, c'est Neo Keanu Reeves, mais dans le vrai monde, c'est Fabien Barthez dans une baignoire. Quoi. Ouais, vraiment il pas compris. Et d'ailleurs, c'est plutôt pas mal fait parce qu'ils sont, enfin, c'est les... y a un immeuble avec plein de petites capsules avec tous les humains Duracell. Et quand il sort, et ben il y a des toboggans derrière tous les humains Duracell. Je sais pas si ça a été fait pas non, sur chaque truc. Et puis surtout c'est un toboggan, il arrive, ouais, c'est un water splash, tu vas dans l'eau, ouais. T'arrives dans l'eau. Ouais. Et ensuite, mais surtout ça veut dire que lui il a bugué. Bah les robots ils savent très bien qui c'est, ils auraient pu le surveiller, tu vois, de l'extérieur. Ah bah, et là ils font, ah oh, il est débranché, il s'est réveillé. Bon, bah, je vais le mettre dans la fosse. c'est pas terrible comme programme, tu sais, tu peux le tuer ou le rebrancher, tu vois, enfin, tu peux faire quelque chose. Et puis lui, en fait, tu sais, moi j'imagine que c'était un humain depuis 35 ans dans un truc, t'as pas beaucoup de muscles. Bon, ils essaient de le mimer un peu, genre, il bouge un petit peu dans l'eau, il est un peu lent, mais quand même, il arrive à nager, quoi, tu vois. Ouais, c'est quand même incroyable, quoi. Bon. Ouais. Donc là, on se rend compte qu'on est en 2199, qu'il fait nuit tout le temps, car c'est le futur. Ouais, c'est surtout la météo qui a changé. Et là, il y a présentation, tu vois, donc il arrive sur le vaisseau qui s'appelle le Nebuchadnezzar, je crois. Mm-hmm. Et là, il y a présentation de l'équipe, des bails. Alors, je tiens juste à préciser, là, je vais beaucoup souffler parce que c'est le moment où le film va commencer à me faire chier, en fait. Ouais. Moi, je vais faire. Vas-y, continue. Et du coup, ils lui font un peu d'acupuncture, ils essayent de le remettre en forme. Ils le remettent en forme. Ouais. Bah, je pensais que c'était vraiment. Même... On dirait un champ de tulipes à ce moment-là, Kenny Reeves. Et c'est quand même l'homme qui a les sourcils qui poussent le plus vite au monde, hein, parce que, genre, en deux semaines, il a tous des nouveaux sourcils. À la limite, ça, c'est le futur, tu vois. Tu peux dire que dans le futur. Ouais, je suis d'accord. Ça se trouve, c'est quand il fait moche. Ouais, quand il fait moche, les sourcils poussent beaucoup plus. Moi, je suis d'accord avec ça. Et donc ensuite, Morpheus l'emmène dans un petit programme où il lui dit, voilà, là, on est dans un faux monde. Tu comprends bien que l'endroit où tu vivais avant, c'était un truc où tu étais branché à ton cerveau. Voilà. Mais en fait, vraiment, c'est celui-là. Ouais. Nous sommes en 2199. Il y a eu une guerre. En gros, il lui dit, il y a eu le scénario de Terminator, sauf qu'on a perdu. Et ils nous ont branché parce qu'on est la seule chose. Il n'y a même pas eu de guerre en même temps. Et en fait, si ils expliquent le mauvais temps, je crois que c'est parce que il dit on sait pas bien, mais c'est à cause des humains qui ont déclenché. Comment les humains ont pu déclencher du mauvais temps? On sait faire ça. Ah oui, d'accord. C'est la couche d'ozone et tout. Il y a plein d'autres films où c'est géré ça. Ah oui. Et donc là, clairement, Keanu Reeves, c'est le rejet, c'est la crise. Il va vomir son yaourt. Ouais. Et non, c'est du guacamole, c'est tout vert. En parlant de vert, d'ailleurs, est-ce que vous saviez que toutes les scènes dans la Matrice ont été filmées avec un espèce de filtre un peu vert, celle dans la réalité sans filtre, comme les cigarettes, et celle dans l'entraînement quand il fait du kung-fu avec Morpheus avec un filtre jaune, parce que ce n'est pas la Matrice, mais ce n'est pas la réalité non plus. Et c'est très malin, c'est très très malin. Mais par contre, moi, sur les plans d'extérieur, quand il est sur le toit de l'immeuble, Keanu Reeves avait une barbe verte et ça m'a un peu fait chier, quoi. Et donc là, c'est le moment cool du film. Alors, je suis déçu que peut-être t'aies pas trouvé ça cool. Il y a une chose que j'ai aimé dans ce film, c'est effectivement les combats, les scènes de combat. C'est plutôt esthétique. Alors, déjà, il apprend le kung-fu avec des mini-disques. Ça, c'est cool. Ça, pour le coup, on est vraiment resté au mini-disque. Alors, moi, j'ai appris la tarte aux pommes comme ça. C'est très efficace en 5 minutes. Et ensuite, c'est la scène, la fameuse scène du dojo. Tu es dans notre programme de combat, l'équivalent du programme de réalité virtuelle de la Matrice. Il obéit aux mêmes lois, comme la gravité, mais tu apprendras que ces lois ne sont pas différentes de celles de n'importe quel autre système. Il y en a qu'on peut enfreindre et d'autres qu'on peut violer. Est-ce que c'est clair? Alors frappe-moi, si tu es de taille. Ouais. Donc là, s'en suit une scène de combat que je trouve épique et que j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Grosso modo, c'est comme deux mecs qui se battent, sauf qu'en fait, ils peuvent aller plus vite et plus fort, mais tu sais pas trop quand ni pourquoi, parce qu'ils vont pas le faire tout le temps. C'est-à-dire que, on sait pas, des fois ils vont plus vite, des fois non. Moi, ça m'a un peu saoulé, les scènes de combat, du coup, je les ai mis à l'accéléré, du coup, en fait, c'était en vitesse normale. C'est tout le temps au ralenti, tu sais. Et ensuite, tu te rends compte que Cypher, c'est un lâche. Ouais. Le méchant Cypher. Lâche, ouais. Donc, il avait une gueule de méchant, une voix de méchant, et en plus, il est au restaurant avec les agents Smith en train de manger du steak. Ouais. Vous savez à qui on a proposé le rôle de l'agent Smith avant de le proposer à Hugo Weaving? Attends, je réfléchis. Patrick Bruel. C'est quelqu'un dont on a déjà parlé dans 2 heures de perdu en plus. Et c'est quelqu'un qui est le gros dans Jurassic Park. Cocorico. Ah bon? Vous proposez à Jean Reno. Et c'est pas une blague de faire l'agence. Ça aurait pas été si mal. Il a préféré aller faire Godzilla à la place. Godzilla, il va falloir le faire aussi. Je crois. Donc là, voilà, là c'est le moment où on va aller vraiment dans la Matrice parce qu'il faut aller voir l'oracle. Et là, là il y a cette fameuse scène, donc ça tourne. Tu les vois sur leur fauteuil dans le vrai monde branché, et ça tourne autour d'un téléphone. Tu sais, et ils vont tous apparaître autour du téléphone un par un, quoi. Vous voyez cette scène ou pas? Oui. Là, vous n'avez pas l'air de voir, en fait. Non, là, je vois pas. Non, moi non plus. C'est le moment où ils y vont. Bon, bah bref. Et moi, déjà, j'ai une première question. C'est pourquoi les téléphones... Alors, en fait, il faudra qu'on fasse un point téléphone. C'est-à-dire, comment on va et on sort de la matrice? Parce que ça pas regarde dans Time Cop, c'était vachement bien. Parce que ça a pas l'air d'être tous les téléphones. Il faut forcément que ce soit des téléphones à la con trop chiant pour faire les numéros, là, les trucs à remettre. Il faut forcément que ce téléphone. Soit un téléphone stylé. T'imagines, c'est un téléphone hamburger, là, les beaux trucs. Et surtout, tu vois, t'imagines si c'est Free ou les trucs, tu sais, genre, tu vas te connecter, t'es poursuivi par des agents Smith et puis il y a le petit serpentin parce que ça s'est déconnecté. Non, mais d'ailleurs. Enfin, c'est un peu bizarre qu'ils soient pas libres d'arriver et de sortir de ce monde quand ils veulent, quoi. C'est un peu comme les points relais, t'es obligé de choisir. Tu vois, t'es... Ah, mais ça c'est plutôt cool. Enfin, scénaristiquement, c'est plus intéressant, tu vois. Ça donne des contraintes et tout. Par un téléphone. Je trouve ça cool scénaristiquement, toi. Bah oui. Ouais. Ah ouais. Non, bah mais y a pas, là, y a c'est pas, vraiment mal expliqué, quoi. C'est le téléphone, c'est mal expliqué, mais après, il n'y a pas trop d'erreurs dans les voyages et tout, machin. Il n'y a, pas de gros trucs qui sont improbables. Ouais, ils n'ont pas pris de risque avec des petits vaisseaux. Comme et là, il y a un truc qui m'a fait éclater de rire, c'est le moment où ils vont dans la matrice. En gros, il y a ce fameux plan autour du téléphone, et ça tourne autour du téléphone, et à un moment, voilà, ils apparaissent derrière le téléphone, et ils sont tous, on dirait une pochette de groupe de rock, genre Bon Jovi, quoi. Ouais. Ils sont tous en cuir dans des positions ultra stylées, avec des lunettes de soleil. Et tu fais, bah, je sais pas, vous pourriez être plus discret, quoi, sachant que vous avez tous les agents Smith au cul. Tu sais, ils peuvent prendre des fringues de merde, une voiture normale. Là, ils prennent la super, ils sont les seuls, c'est la seule caisse de New York avec la porte arrière qui s'ouvre de l'autre côté. Bon. Ce qui est bizarre, c'est quand même, ils prennent jamais de bon temps, tu sais, ils pourraient profiter de la matrice, oui, pour aller coup, à Tahiti, ou je sais pas quoi, c'est un petit peu, là où il n'y a pas d'agent Smith pour être peinard, genre, allez, vas-y, c'est bon, le monde de merde, là, on va se faire une bouffe, on va se baigner et tout. Non, jamais, quoi. C'est pareil, la matrice, ça sert, c'est le boulot, quoi. Boulot, la matrice. Ah bah, c'est de 8h à 18h, la matrice. Faut pointer, tu sais, il y a Morpheus qui vérifie les horaires et tout. Mais c'est ça qui me fait, moi, qu'il faut que je trouve un peu absurde dans ce film, c'est que, ils sont libres dans leur monde qui est juste nul, quoi, leur monde. Il est chiant, enfin, c'est moche, c'est glauque. Et au final, t'es quand même plus libre, finalement, dans le monde fictif que dans la matrice. Enfin bon, si t'es un agent Smith au cul, c'est chiant quand même. Hein. Mm. Enfin, tu vois, tu peux pas faire un squash tranquille s'il est là. C'est toute la philosophie du truc. Est-ce que t'es plus libre quand tu sais que t'es libre, ou est-ce que tu... Enfin bon, bref, on va pas rentrer dans des discussions de bac philo. Non, mais la matrice, elle est si puissante et qu'elle peut créer des agents Smith, elle peut aussi faire en sorte de pas créer des ingénieurs informaticiens comme Anderson, qui vont faire des codes et qui vont intéresser. Oui, elle a qu'à fermer toutes les écoles d'ingénieurs. En gros, la matrice, elle pourrait très bien brider le monde réel pour juste garder des machins. Ça, c'est non, mais ça veut dire. Non, mais c'est abordé après dans les suivants. Non, mais c'est abordé après dans les suivants. Ah, mais j'ai pas vu les autres, moi. Attends, le chaos. Oui, bah c'est dans les autres. En gros, tu comprends que c'est la matrice elle-même qui crée ce concept, enfin cette théorie du sauveur pour que l'être humain ait un espoir, quoi. Bon, ensuite, donc ils vont voir l'oracle. Alors moi, c'est un truc qui m'a un peu étonné. Bon, Greg, t'as mis le doigt dessus. C'est pourquoi tout doit se passer. pourquoi tout doit se passer dans cette seule et unique ville. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est une sacrée chance que l'oracle, elle habite là aussi, tu vois. Imagine l'oracle, elle était à Kuala Lumpur et elle parlait un espèce de dialecte incompréhensible. Ça aurait été vraiment la merde pour aller la voir, quoi. Bah, non, mais il y en a plein des oracles. C'est juste une médium, en fait. Oui, c'est ça, ouais. Non, bah, t'apprends plus tard. Ah, t'apprends dans le 2 et 3 qu'en fait, il y en a qu'une et c'est elle. Oui, mais dans le 2 et 3, Léo, il va super vite et il peut aller à Kuala Lumpur s'il veut. Ouais, bon, j'aime. Donc, l'oracle, on va vite, elle fait des cookies. Ouais, elle fait des cookies. Il y a un petit dans la salle d'attente qui tord la cuillère. Qui tord des cuillères. Il y a la scène du vase, c'est pas grave pour le vase. Hop, il se retourne, il casse le vase et après, ça lui dit, bon, est-ce que si je te l'avais dit, tu l'aurais pas cassé? Bref. Ça, on s'en fout. Elle lui dit, ça, c'est très important. Elle lui dit, tu n'es pas l'élu et Morpheus, ou toi, va mourir. Va mourir. Et là, Néo, il se sent hyper mal. Ouais. Et là, elle lui dit, mais non, mais t'inquiète pas, tu vas te sentir mieux dans pas très longtemps. Prends un cookie. Et là, elle lui dit, prends un cookie. Donc, clairement, c'est des espèces cookies, quoi. Parce qu'elle lui dit, elle dit cette phrase, elle fait, je te jure que quand tu auras fini ce cookie, tu te sentiras déjà mieux. Mais déjà, moi, je suis Néo, je fais, ah ouais, je le mange tout de suite hyper vite. Ouais, parce qu'il bouffe que du picard. Hein, enfin, la dernière fois qu'on lui a filé un truc à bouffer, c'était une pilule, ça s'est fait. Sa vie, elle s'est pas non plus. C'est là qu'il se réveille dans un autre monde qui est encore pire. Oui, parce qu'il faut quand même dire que dans la matrice, ils bouffent des trucs vraiment dégueulasses aussi. Ouais. Ouais, ça a l'air d'être de la gerbe, quoi. Et là, ensuite, ils rentrent. Et Cypher, donc, il les a trahis, il les a dénoncés. Ils rentrent. Et là, il y a un petit bug dans la matrice. Qui arrive quand? Avec le chat. Ouais. Juste au moment où ils allaient se barrer. C'est ça. Il n'y a pas de chance. Le déjà vu. Voilà. Et pourquoi il y a un bug? Parce que c'est les agents Smith qui reprogramment l'immeuble. Et de temps en temps, il y a un bug. Pour murer les fenêtres. Donc là, ils sont bloqués parce qu'il y a des murs en briques. C'est-à-dire que dans la salle d'entraînement, le mec, il fait voler un dojo à main nue, mais un mur en briques, ils sont armés jusqu'aux dents, ils peuvent pas le passer, quoi. Ouais. Tu sais, il ouvre, il fait « Oh putain, un mur en briques oh, !» bah, mais ils avaient mis de la bonne brique. Hein. La meilleure. Et donc ensuite, ils appellent Tank au téléphone. En lui disant faut que tu nous guides, on n'a pas de plan et tout. Alors tu peux charger à distance, tu peux apprendre le kung-fu, tu peux apprendre à piloter un hélicoptère. Par contre, on peut pas te télécharger le plan de l'immeuble. Il faut que t'aies le mec au téléphone, c'est trop chiant. Et là, voilà, les agents Smith, ils vont leur tomber sur la gueule. Ça va faire mal. Ouais, bah là c'est là qu'ils prennent l'hélico et il va sauver Morpheus. Oh, putain, là, tu vas vraiment. Non, c'est pas là. Je pense que t'as sauté 25 minutes. Ah, non, mais moi c'est ça, hein, mes fiches, après ça s'arrête là. Donc, T'as sauté 25 minutes. Non, déjà, il y a toute une partie de l'équipage qui meurt. Ouais, oui, c'est ça. Morpheus, il prend Taro. Ouais. Cypher, il les trahit. Ouais. Cypher, il fait un truc qui m'a fait hurler de rire, c'est-à-dire qu'il court dans la rue et il appelle Tank avec un téléphone d'une cabine et il fait « Ouais, tu pourrais me dire où il y a un téléphone ?» raccroche, je vais te rappeler sur celui-là. Il a l'air de marcher puisque tu m'appelles dans le futur. J'ai pas du tout compris ce truc. Et donc Cypher, il tue tout le monde. Morpheus, il est capturé. Morpheus, il a une sale gueule, hein. Il a l'air de faire un gros bad trip, hein, parce qu'ils lui ont donné. Mais d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que du coup, ce qui se passe dans le monde fictif, voilà, ça ressurgit sur ton corps du monde réel. Ouais. J'espère qu'il n'avait pas la diarrhée, du coup. Morpheus. Du coup, quand tu te prends un pain dans le monde fictif, en fait, t'as vraiment une marque sur ton fauteuil, là, dans la matrice, monde réel. Quoi. Non, ça dépend, parce qu'après, au bout d'un moment, Neo, il a l'esprit tellement fort que ça lui fait plus rien. Ça lui fait plus rien. Mais par contre, il transpire, hein, Néo. Hein. Oh la vache! La question se pose d'aller le sauver. Qu'est-ce que tu fais? J'y vais avec toi. Non, sûrement pas. Non? Je vais te dire ce que moi je crois. Je crois que Morpheus m'importe plus qu'à toi, Néo. Je pense que si tu as vraiment l'intention de le sauver, tu vas avoir grand besoin de moi. Et puisque je suis en ce moment ton supérieur, si tu n'es pas d'accord avec moi, tu peux aller en enfer. Parce que tu n'iras nulle part ailleurs. Tank. En français, c'est pas top. Ouais, franchement, le doublage, il est pas dingue. Donc là, ils vont chercher justement la charge de programme. Donc là, il y a le programme des armes qui arrive. Ouais. C'est pareil, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est genre des étagères d'armes qui arrivent à toute vitesse. C'est vachement dangereux. Tu sais, on voit du vent et tout. Attention, t'es beaucoup trop près là, tu vas prendre l'étagère. Mais vous êtes pas parti en mission. Bah non, il a tendu le bras, il s'est cassé la main. Ça arrive super vite, il y a des milliards d'armes. Tu sais, ça peut juste être une petite pièce avec toutes les armes, tu vois. Ouais. Et donc là, ils vont dans le. Il y a la fameuse scène que je trouve incroyable dans le lobby de l'espèce d'immeuble là où ils vont. C'est pour ça qu'il y a la grosse scène de baston. On arrive à. Oui, avec bien. Les portiques. Cette scène-là est bien. Ouais. Quand elle passe avec les sacs, et que ça bien. Bah, en fait, quand ils arrivent avec leur long manteau de cuir, là, tu sais, on dirait la mode vampire dans les lycées là. Mmh. Et quand ils arrivent avec toutes les armes et le manteau de cuir, on dirait Bowling for Columbine. Là, en fait, les costumes, c'est un mélange entre Il était une fois dans l'Ouest et puis Batman Forever, quoi. C'est des longs manteaux en cuir, quoi. Ouais, ça fait un peu Blade. Enfin, dans les années 90, dès qu'il y avait un vampire, il avait cette gueule-là aussi. Déjà, il a méga la confiance, Neo, hein, parce que dès qu'il arrive dans la matrice, il est là, il fait des mouvements d'épaule. Tac, il ouvre sa redingote, il fait waouh, il sort sa redingote. Il a dit sa redingote. C'est pareil, parce que tu sais, ils ont chargé le petit programme pour choisir leurs armes, et après ça, ils ont chargé le lunetier pour choisir chacun leur paire de lunettes. Parce que Neo, il a une petite paire là, tranquille. C'est bien. Après, donc là, il désingue tout le monde, il tue tout le monde. Et après ça, il y a la scène de Limbo. Ouais. Qui est au ralenti tout le temps. Ouais, au ralenti encore. Ouais. Bon, ça, c'était comme une avancée technologique de dingue. Je le ralenti. Le bullet time. Ouais. C'est ça, c'est le bullet time. C'est bien, moi, je trouve que ça a pas mal vieilli, en fait. Non, c'est pas mal. Il y a des faux raccords dans tous les sens, parce qu'il y a des problèmes. Il manque les pistolets au sol. Ouais, il y a plein de choses qui vont pas. Ouais, non, mais ça disparaît dans le programme aussi. Je pense que c'était prévu. Ouais, c'est la matrice. Ouais, ça doit être la matrice, probablement. C'est-à-dire que tu dis. Et la perche qu'on voit en haut de l'écran, c'est la matrice aussi. C'est tout. Au réalisateur, tu sais tous les problèmes. Ça c'est la matrice, il y en avait d'autres, matrice aussi. Mais est-ce que c'est pas finalement une belle analogie du cinéma la matrice? Oulala, bah, je sais pas moi. Allez, je vous laisserai méditer. Au moins, merci Paris. Ensuite, en hélicoptère, carton, baston dans le métro, carton. Attends, moi je me demande déjà comment Morpheus il survit à l'attaque de sulfateuse qui descend. Parce que le mec, il l'arrose, mais il arrose complètement l'étage. Ouais, mais c'est Néo, il s'est dit. Il s'en prend quelques-unes, hein, quand même, je crois. Ah bon, ah bon, je suis rassuré. Enfin, ça m'inquiète quand même pour Néo, mais pour Morpheus. Baston dans le métro. Baston hyper cool. Enfin, justement, le face-à-face. Il y a même une référence à un western, parce qu'ils sont... T'entends même un petit son western de duel, là. Ouais. Attention, Michael, tu devais dormir. pendant ce temps-là, les sentinelles dans le vrai monde sont en train d'attaquer le vaisseau. Puis là, c'est pas une semi-attaque, hein. Ils sont carrément là avec des rayons laser partout. Ouais, le futur, il fait vachement plus peur. Ils sont vachement moins en sécurité dans le futur. Et ils ont rien pour se défendre des sentinelles, quoi. Tu vois, c'est genre encore dans la matrice, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils ont des armes. Par contre, dès que t'as une sentinelle qui arrive, c'est l'angoisse totale, quoi. Coupe l'électricité. C'est le seul moyen. Et à mon avis. Ouais. Faire sauter les plombs. À mon avis, les sentinelles, s'ils veulent vraiment les choper, c'est plus facile que ça. Enfin bon. Ouais, mais c'est pareil, on envoie 3, t'en envoies 2000, puis c'est tout, voilà. fin du bail, quoi. Et donc là, Agent Smith, il monte dans les tours. 9 balles dans le cornet de Néo. Ouais. Il meurt. Ouais. Belle au bois dormant, puisque Trinity, elle va l'embrasser. Bisous magique. Mmh. Bisous de l'amour. Et il va se réveiller. Et là, d'un seul coup, bah, il fallait mourir. En fait, c'était ça le deal. Et du coup, maintenant, il est. Des zingues et il peut voler. Voilà. Oui, très bien. Et vous savez, il vole pas encore. Si il vole, c'est le plan, c'est le dernier plan. Direction, quoi. Est-ce que vous vous souvenez d'une petite anecdote lors d'un autre 2 heures de perdu sur Will Smith devait... ouais. Ah, Will Smith, je m'en souviens. C'était Will Smith qui devait jouer Neo à la base. Oh, la et il l'a refusé pour aller jouer dans Wild Wild West. Non, mais heureusement, ça aurait été ripou. Et lui-même a dit dans une interview qu'en fait, il était très content de ne pas l'avoir fait parce qu'il pensait ne pas être assez mature à l'époque et il pense que lui-même aurait gâché Matrix. Ce qui est quand même une belle preuve de modestie. Oui, c'est plutôt bien. En même temps, Keanu Reeves, c'est pas non plus l'acteur le plus ouf de l'histoire du cinéma. Non, mais ça marche bien. À aucun moment, je me suis dit, putain, c'était le flic dans Speed. Alors que tu vois, je réfléchissais, ouais, je vais peut-être pouvoir faire une blague avec le podcast. En fait, pas du tout. Si, l'ascenseur. Moi, j'ai l'ascenseur. C'est ouais. Moi, à aucun moment, je l'ai vu avec une planche de surf, ni rien. Tu vois, il n'y a pas Sandra Bullock. Enfin, non, ça marchait pas. donc voilà. Moi, globalement, j'ai bien aimé ce film. Ouais, c'était cool. Si, moi, j'aime bien. Même si j'ai préféré Dark City. Et qu'en plus, c'est tourné sur les mêmes lieux. Enfin, j'étais déçu, d'autant plus déçu qu'en fait, on m'a dit. C'est bon, je peux parler. Oui, vas-y. J'étais d'autant plus déçu qu'on m'a dit que ah putain, t'as jamais vu Matrix, tu vas adorer et tout. Et non, en fait, j'ai pas adoré. Moi, c'est de la bonne science-fiction. Si. C'était notre avis sur le film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les tours de cul. Tout le monde en a un. Alors, j'ai 6 commentaires. J'en ai pas mal, ouais. J'en ai pas mal. Il y en avait énormément hein, sur Allociné. Allociné, c'est toi qui as fait les commentaires 0 étoile ou pas? Non, j'ai pas fait commentaires 0 étoile. Mais il n'y en avait pas beaucoup, par contre, des commentaires 0 étoile, il faut le reconnaître. Il y a le commentaire insupportable, je l'ai mis au début. Sartre est réadapté dans le cadre d'un... dans le cadre d'un film grand public. Il faut lutter contre les systèmes qui oppressent, qui engluent l'homme. J'ai vu ce film le jour de sa sortie entouré d'excités qui hurlaient à chaque combat. Ils n'ont rien compris au film. Comble de l'ironie, ils sont eux-mêmes les esclaves d'un système, de ce genre de système faux où le mesquin, la frime et la bêtise règnent en roi. Oh. Allez voir ce film. Vous ne serez déçus que si vous appartenez à ce genre de communauté qui n'inspire qu'à la misanthropie. C'est le prof de français qui a été voir en banlieue avec ses lascars d'élèves, tu sais. Ah, mais si, vous avez kiffé. Vous avez dit comment il cartonne. Non, pas tout à fait. Ensuite, on a Norman Begins. qui nous dit « La SF prend un autre tournant avec cette bombe qui est Matrix. » Ce film démontre avec brio que notre réalité n'est probablement que de la poudre à perlimpinpin. Le tout ponctué par de la bonne baston. Quelques phrases philosophiques et une interprétation réglée comme une horloge par ce bon vieux Keanu Reeves et ses collègues. Un visiteur qui dit « L'idée est géniale. Il vaut mieux le voir 2 fois pour bien comprendre. Mon moment préféré du film est quand il arrête les balles par télépathie. Oh, je plains le pauvre Keanu Reeves qui a dû apprendre le kung-fu. » Encore un visiteur, il n'est pas de son nom, hein. ils sont pas courageux les gens. Passionnant, du début à la fin, des nouveaux éléments permettent de donner des coups de pouce à notre propre imagination afin de se faire une idée de la matrice. J'attends la suite avec impatience. À déconseiller toutefois aux gens qui croient à l'apocalypse. Ça n'a aucun sens. Et il me reste les 2 meilleurs, je vais garder pour la fin. Amercité France qui nous dit « Ah, Matrix !» Ah, pour le fun, j'ai lu les critiques 0 étoile, ouais. Ce sont simplement tous ceux qui n'aiment pas la SF. Enfin, moi, j'aime pas les films de Woody Allen, et ben je vais pas les voir au ciné, puis c'est tout. Et enfin, j'ai une excellente nouvelle. On a retrouvé Jean-Claude Imparfait. Et il va très bien, visiblement, il laisse des commentaires à chaque film de Keanu Reeves. Il nous dit « Le film était magnifique et très bien mis en scène. Les effets spéciaux étaient géniaux. » Les acteurs très bien choisis. Le thème était bien respecté et était très intéressant. C'était un film très réussi. 5 étoiles. Mais surtout, le thème était respecté, mais c'est pas un sujet de film. Oh, ils ont bien respecté le thème. Hein. Non, mais t'as repris l'autre. Non, je te jure qu'il y avait ce commentaire, quoi. Il a fait un copier-coller. Je te jure. Les acteurs étaient très bien. Donc, c'est l'heure de tirer du tirage au sort. Un film dans le chapeau. Ah, c'est le stress, hein. Qui s'en occupe? Bon, allez, moi. Alors, attends, faut qu'on mette près du truc pour entendre le bruit. Ah ouais, c'est très important d'entendre le bruit. Alors. Oh, j'ai pas vu non plus, tiens. Pirates des Caraïbes. Ah. Moi, je l'ai vu, normalement, j'aime bien. Alors. Ouais, moi, j'ai pas vu non plus. J'ai pas vu non plus. Non. Bon. Et bien, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Pirates des Caraïbes. Ciao. Ciao. Ciao. Ha ha ha!